Chapitre 9e. Il expédia l'annonce, le soir même, à deux ou trois grands journaux, et ce n'était pas cette fois sans être du moins informé de la nature des devoirs qui attendaient la dame de compagnie. Car il avait rencontré Manske en chemin, et le pasteur versa immédiatement dans son oreille le trop-plein de l'enthousiasme qui le consumait au sujet de l'admirable projet d'Anna. L'homme le laissa en silence prodiguer les fleurs de sa rhétorique, soit sur le projet lui-même, soit sur son auteur, soit sur l'action invisible de la Providence en cette affaire. Après l'avoir écouté, il revient chez lui tout songeur. « Pauvre enfant, se disait-il, dans quelles entreprises hasardeuses se jette-t-elle? La belle âme que ce doit être! Mais grand Dieu, quelle absence totale d'expérience ou de sens pratique dénote cette conception! Et ce pauvre Manske, aussi naïf qu'elle-même, qui ne sait que la pousser à réaliser un rêve impossible! Douze inconnues, besogneuses, appelées à la fois sous son toit. Bien, elle pouvait dire qu'il lui faut une compagne solide. Elles ont, elles deux, les mains pleines, avec la tâche d'héberger et de rendre heureuses ces douze victimes de la destinée. Et M. Delhomme n'eût pu s'empêcher de rire un peu à l'idée de cette jolie Miss Escort, s'efforçant courageusement d'arracher de ses fines mains la dure et calleuse carapace que le malheur aurait probablement déposée sur le cœur de ses patientes. Puis, une ombre de tristesse passa sur lui. Puisse-t-elle n'y pas user sa jeunesse et ce bonheur touchant que respire son délicieux visage? Que pourrait-on faire, se demanda-t-il, pour aider un peu cette charmante fille si brave, si généreuse, si seule? Rien, au moins quant à lui. Sa qualité de célibataire lui commandait la réserve. Il pensa à sa sœur Trudy. S'il était à l'homme, comme cela faciliterait les choses. « Je vais écrire à Trudy, » décida-t-il, et il se mit à sa table de travail. Puis il s'arrêta. Quelle raison invoquer pour induire la mondaine comtesse à quitter la ville en pleine saison et à venir s'enterrer dans ce lôme abhorré? Dire la vraie, ce serait vouloir mettre dans cette tête folle tout un ordre de suppositions ridicules sans obtenir l'effet demandé. Non, il fallait un autre appât. Et après avoir dit à sa sœur que les grands bois verdissaient, que les anémones pointaient sous la neige fondue et que le vieux manoir serait heureux de revoir la brillante comtesse Asdorf, il ajouta en post-scriptum, souriant lui-même de son astuce, « Si tu viens maintenant, tu pourras jouir de la société de ton amie Bibi Bornstedt. Elle est, me dit-on, pour quelques jours à Stralsund, chez la présidente. » Il envoya la lettre et l'annonce par le même courrier. Axel von Lohm connaissait mieux que personne l'indifférence profonde que sa sœur Trudy nourrissait pour les anémones et son aversion pour les grands bois. Mais il savait aussi qu'elle désirait vivement le marier, et c'est sur cette carte qu'il avait joué, pour la décider à venir. « Bibi Bornstedt est un véritable poisson d'or, » ne cessait-elle de lui répéter, par lettre ou de vive voix. « Elle est à portée de tes filets. À mon entendeur, salut. Si tu laisses passer cette chance, tant pis pour toi. Qu'attends-tu? Tu ne peux raisonnablement porter davantage le deuil de ton île de garde. Bibi a 200 000 marks de rente, 200 000, et elle est parfaitement présentable. Son nez, je te l'accorde, est manqué. Mais après une semaine de mariage, sauras-tu seulement si elle a un nez? Tandis qu'au contraire, tu sentiras à toute heure l'agréable réalité des 200 000 marks. Ah, Axel, que ne peut-on faire avec 200 000 marks par an? Que de soucis, que de rires disparaîtraient. Quel beau monument on élèverait à Hildegarde. » Et elle ajoutait à part soi, « Quelle main secourable on tendrait à l'occasion à sa sœur. » Mais si la prévoyante Trudy voyait dans le mariage qu'elle ambitionnait d'arranger tout un horizon doré pour elle-même, il est juste de dire qu'elle n'eût pas été mal inspirée en apportant dans la maison de son frère un peu de soleil et d'abondance. Car la vie du seigneur de l'homme était tout autre que joyeuse et facile. Héritier d'un domaine appauvri, dont il avait pris vaillamment toute la charge, plutôt que de laisser morceler la terre qui portait son nom, il s'était arrangé pour donner à ses deux frères et à sa sœur l'équivalent en argent de la part de propriété qu'ils abandonnaient, se vouant à la tâche écrasante de payer sa dette et de remettre en état un bien déplorablement négligé. Cette décision fut prise dans une heure sombre où l'avenir ne paraissait plus lui réserver aucune joie. Il accepta, pour en combler le vide, une existence faite uniquement de travail acharné et de noire solitude. Il y avait 8 ans aujourd'hui que la douce fiancée était morte, et que M. Delhomme luttait ainsi. Son père, un joyeux Hobereau qui ne s'inquiétait pas du lendemain, avait vécu à l'aise avec 4 fois les ressources dont il disposait. Et sa robuste insouciance, laissant les terres en friche et ne se faisant nul scrupule de déboiser la forêt si l'argent manquait. Axel, nature probe et consciencieuse à l'excès, ne put tolérer un pareil état de choses. Son premier soin fut de défricher, labourer, ensemencer, replanter les places dévastées. Ses peines n'avaient point été perdues, et il pouvait se flatter de laisser à celui qui viendrait après lui une propriété grandement augmentée de valeur. C'était là tout l'encouragement qu'il retirait de ses travaux. Et ce n'était pas beaucoup si l'on considère que ses cheveux s'étaient mêlés de fil blanc au courant de ces 8 laborieuses années. L'effet de son post-scriptum fut précisément celui qu'il avait attendu. Trudy était en train de prendre son café, livré aux mains du coiffeur, quand la lettre de son frère lui fut remise. Ce coiffeur, Freezer, comme on dit là-bas, était le favori de la comtesse Hasdorff et de toutes les élégantes de la ville. Et en qui mettrait-on ses complaisances, sinon sur la personne de qui dépend votre beauté? Or, c'était un fait avéré que Youngblood opérait de véritables miracles de transformation. Et ce n'était pas là son seul mérite. Pour la modeste somme de 3 marks, non seulement il décorait d'ondulations innombrables la tête de ses clientes, mais il servait à chacune la part discrète de flatterie professionnelle qu'elle pouvait accepter sans scrupule. Pour peu qu'il eût affaire à une jolie femme, il ne tardait guère à manifester un respectueux enthousiasme devant son classicheux profil. Si au contraire, la beauté faisait défaut, il prenait une autre formule, qualifiée de « Horst Interessant », le galbe douteux. Ainsi, pour les autres, sa popularité était énorme. Tout le jour, on le voyait sillonner les rues de Hanovre sur sa bicyclette, les poches gonflées de faux cheveux, fer à friser et autres outils de son métier. Il ne pouvait suffire à toutes les demandes et vivait dans l'abondance avec une jeune épouse dont il n'ondulait pas les cheveux et un baby dont Trudy était la marraine. « Qu'est-ce qu'il me compte là ?» fit Trudy, parcourant l'épître fraternelle. « Les bois verts, les anémones, moi, aller à l'homme en cette saison, a-t-il perdu le sens ?» Puis, tournant la page. « Ah, je vois. Excellent, Axel. C'est Bibi qu'il lui faut, à la fin, et il a besoin de moi. » Quoi de plus simple? Mais pourquoi ces détours? Croit-il d'aventure me tromper? Pauvre Axel! Enfin, le voilà raisonnable! Bravo, victoire! Bibi ne demande qu'à dire oui. Il est si généreux que jamais il ne refusera de me prêter l'argent de Bibi. En conséquence, libre Youngblood, nous nous en tiendrons là pour aujourd'hui, car je prends tout à l'heure l'express de Berlin. Le jour suivant, il arrivait à Stralsund où son frère l'attendait avec son phaéton. « Battons le fer quand il est chaud. Qu'en dis-tu » proposa-t-elle au dévoté, « et passons tout de suite chez la présidente. Impossible, j'ai les affaires jusque par-dessus la tête. Quelles affaires? Mais labourage. On voit les promener. Ceci importe davantage, je pense. » Je ne saurais partager cet avis. Quoi? Bibi n'importe pas plus à l'avenir de l'homme que tes labourages? Assurément non. Te moques-tu de moi? « Je n'aurai garde. Axel, » fit la comtesse sévèrement, « pourquoi m'as-tu invité à venir ? Comment, après 8 mois de séparation, as-tu le cœur de me dire que tu n'en sentais pas le besoin ? Non seulement j'en éprouvais aucun besoin, mais je puis te dire que j'ai fait un vrai sacrifice en venant ici. C'est le grand moment des fêtes. Je suis venu pour Bibi Bornstedt, puisqu'il faut qu'on te mette les points sur les i. Sœur dénaturée, et pas un peu pour moi. Pour Bibi et pour toi, naturellement. » Si tu pouvais te décider à aller droit au fait et ne pas parler pour ne rien dire, cela vaudrait bien mieux. Je suis entièrement de ton avis. Tous ces discours à propos de Mademoiselle Bibi sont un peu paroles perdues. Axel, Trudy, tu oses me dire en face que tu ne penses pas à Bibi? Moi, jamais. Mais alors, au nom du ciel, pourquoi m'as-tu fait venir? Les anémones. Axel, cesse de me taquiner comme si j'avais encore 10 ans et parlons raison. Les Hohenstein donnent le bal masqué ce soir. J'ai renoncé pour répondre à ton appel. Ah, c'est vraiment gentil, dit Axel, touché de l'énormité du sacrifice. Eh bien, sois gentil à ton tour et laisse ta petite sœur te guider pour ton intérêt et pour ton bien. Tu n'as pas oublié notre vieux voisin de Kleinwald? Commença Axel, entamant sans plus de cérémonie le sujet qu'il avait à cœur. Il nous a tant gâtés quand nous étions enfants. mais l'ingrate Trudy, sans donner un souvenir à l'oncle Joachim. « Refuser une pareille chance, tu sais, ce serait positivement criminel. » Il a légué le domaine à une sienne nièce, une Anglaise. « Que pourrais-tu objecter contre Bibi? Tu la connais à peine et tu ne sais pas combien elle gagne à être connue. » « Avais-tu entendu parler de ce testament ?»« Un peu. L'un de ses fils vient de joindre le régiment. C'est lui qui ne l'admire pas, le testament de ton vieux voisin. Ah non, ni lui ni ses frères, je te le certifie. » »« Ce sont gens avides et rapaces et qui ont reçu amplement leur dû, » prononça Axel avec décision. « L'excellent homme avait bien le droit d'user à sa guise de ses économies, et j'ajoute qu'il ne pouvait les mieux placer. »« Tu connais cette nièce ?» demanda Trudy, soudain intéressée. « Je l'ai vue une fois. »« Elle va demeurer à Kleinwald ?»« Oui. »« Est-elle jeune ?»« Oui. »« Jolie ?»« Excessivement. »« Oh oh !» fit Trudy, remuant la tête d'un air sagace. « Oh, je vois. »« Ma chère enfant, » dit Axel en riant, « ta pénétration m'épouvante. » Tu vas me prêter, j'en suis sûr, toutes sortes de pensées ténébreuses qui sont loin de mon cœur. Laisse-moi te dire la simple vérité. Miss Estcourt est singulièrement seule ici, tout à fait dénuée d'aide et de conseils, et je voudrais te voir lui prêter un peu de cette assistance de bon voisinage que je ne puis encore lui offrir, la connaissant si peu. Si elle était moins jeune, ou si j'étais marié, la chose irait toute seule. Dans ces deux cas, tu ne seras peut-être pas si pressé de l'aider. Je le serai, quel que fût le cas. Et pourquoi tout ce zèle? Parce que j'ai contracté avec l'oncle une dette que je ne pourrai jamais trop payer à la nièce. Dans les moments difficiles, sors net. Comme si on payait ces dettes-là. Les bienfaiteurs, tout le monde les aborde, c'est bien connu. Tu laissais échapper que ta voisine est jolie. Permets-moi de tirer mes propres conclusions. Évidemment, dit Axel sans s'émouvoir. Tes pensées me voient déjà posées en prétendant. Et je suis incapable d'enrayer leur rapidité. Il y a 5 minutes, c'était Mademoiselle Bibi. Maintenant, c'est Miss Estcourt. Mais tu fais fausse route. Et si j'en crois le peu que je connais d'elle, cette jeune étrangère est encore plus éloignée que moi de songer au mariage. Elle est présentement occupée d'une bien autre affaire. Elle cherche 12 vieilles dames. 12 ? Son ambition serait d'employer l'argent nouvellement acquis ainsi que le meilleur de ses forces au profit de 12 dames nécessiteuses. Elle estime que la bonne fortune à elle échue est trop grande et qu'elle doit la partager. Axel, est-elle folle? Elle ne m'a pas donné cette impression. Et tu dis qu'elle est jeune? Oui. Et jolie, réellement jolie, ravissante. J'irai la voir demain. Merci, tu es bonne. Bonne, laisse donc. Je suis curieuse de voir de près ce spécimen d'excentricité anglaise. Quand donc, mon bon Axel, prendras-tu l'habitude d'appeler un chat un chat? Anna était au jardin en train de contempler les premiers crocus qui venaient de s'ouvrir lorsque la comtesse Asdorf fit son entrée à Kleinwald, conduisant les copes d'Axel d'une main hardie, et elle s'en flattait dans un style impeccable. Espérons que Miss Estcourt me contemple du haut de quelques fenêtres et peut se convaincre qu'il y a des sportswomen ailleurs qu'en Angleterre, pensait Trudy, venant stopper avec précision au bas des degrés. Mais Anna n'avait rien vu, occupée qu'elle était à noter les premiers pas du printemps dans le jardin rustique. La visiteuse la vit de loin recevoir le message de la servante Marie et reprendre le chemin de la maison. Immédiatement, elle se mit à la détailler d'un œil expert. Elle est grande, mince, élégante. Elle marche bien, jolis pieds, bien chaussée, cheveux admirables, rien sur la tête. C'est bien anglais. Elle attrapera sa mort. Et à mesure qu'Anna se rapprochait, « Elle est jolie, adorablement jolie, il n'y a pas à le nier. » Ici, Miss Estcourt ayant franchi le seuil de la porte-fenêtre, Trudy se sentit absolument conquise par la grâce simple de son abord, car la frivole comtesse aimait la beauté, l'élégance et la distinction, même chez les autres femmes, ce qui n'est pas tout à fait banal. Elle courait à la jeune fille les mains tendues. « Que je suis donc heureuse de faire votre connaissance. Vous allez, j'espère, me payer de retour. » Me permettre de vous traiter en ami, de vous aider de mes faibles lumières en ce pays perdu. Mon frère me dit que votre oncle a été pour lui un ami incomparable. Et moi aussi, je me le rappelle, comme le meilleur des voisins. Que c'est donc courageux de venir se fixer dans ce lieu sauvage et qu'on me conte de vous des choses étonnantes. Trudy parlait anglais aussi correctement que son frère, mais avec plus d'aisance et infiniment plus de volubilité. Quel plan, quel projet ? J'en ai perdu la respiration quand Axel m'a dit « Héberger toutes ces inconnues, essayer de rendre heureuses tant de vieilles femmes, vouloir faire le bonheur de 12 personnes, quel courage représente une telle entreprise, moi qui trouve si ardue la tâche de faire le bonheur d'une seule ?»« Une seule ?» dit Anna interrogativement, puis avec un sourire. « Ah oui, le comte Hasdorff, mais pas du tout, c'est de moi-même que je parle. » Et toutes deux de rire. Il ne lui manque qu'un coup de fer de Youngblood pour être parfaite, pensait Trudy avec enthousiasme. Et tout de premier mouvement, elle se mit sur le champ à adorer Miss Estcourt. Après une dose, brève mais violente, du rapport avec des femmes du type de Frau Manske, Anna ne pouvait que se sentir charmée de retrouver une personne de son âge et de son monde, et Trudy, poussée par le désir de plaire, se montrait si fort intéressée à ses projets, si pressante dans ses offres de service, qu'elle lui confia bientôt ses difficultés. « Tout est à faire ici, » disait-elle. « Je voudrais, avant de recevoir mes invités, transformer la maison, et je suis incapable de commander un tapissier, un menuisier, à mes propres servantes. Regardez ce papier, peut-on vivre heureuse dans des murs revêtus de cette maussade couleur ? Je voudrais tant que mes compagnes futures ne rencontrassent rien qui pût attrister leur regard. » « Il n'est pas beau, » dit Trudy, examinant à travers son lorgnon le solide papier de couleur chocolat désigné à son attention. « Il n'est pas beau, mais il durera. Il est ce que nous appelons practiche. »« Eh bien alors, je n'aime pas ce que vous appelez practiche. »« Ni moi, je vous jure. Tout ce qui est désagréable à l'usage ou à la vue, la toile cirée, les mouchoirs d'un mètre carré, les gros souliers, les femmes laides, tout cela appartient à cette dénomination. » Plus laide est la femme, plus elle est déclarée practiche. Oh, fit Trudy, tragique. Pouvez-vous imaginer un sort plus affreux que celui d'une femme laide ? Puis soudain, changeant de mode. Mon appartement à Hanovre est un bijou, un vrai bijou, rien que du bleu et du rose. Vous ne vous figurez pas comme c'est saillant. Vous ne me reconnaîtriez pas chez moi. Du bleu et du rose, s'écria Anna, c'est précisément ce qu'il me faudrait. « Croyez-vous que nous en trouverions à Stralsund ?»« J'en doute. Pensez donc, il n'y a rien au monde de moins pratique que le bleu et le rose. Tant pis. Il faudra alors que je me contente de ce que je trouverai là de moins laid. Je suis si pressé de voir la maison prête à recevoir mes pauvres amis. »« Essayons donc de Stralsund. Vous m'autorisez bien entendu à vous y accompagner. »« Je vous en serai plus que reconnaissante, si ce n'est pas abusé. » « Que diriez-vous de nous y rendre à l'instant même ?» suggéra Trudy, toujours prompte à l'action. « Mon frère m'a prêté les corbes pour toute la journée. Ce sera parfait. Mais est-il bien sûr que cette corvée ne vous ennuiera pas ? Pas le moins du monde ? Pour une fois, cela m'amusera de courir les boutiques à Stralsund, sans compter que j'aiderai ainsi à votre belle œuvre. » On se mit en voiture sans tarder. Anna était enchantée de sa nouvelle amie. Ainsi faisaient tous les nouveaux amis de Trudy. Et comme elle n'en avait jamais que de nouveau, tout allait pour le mieux. On traversa rapidement la route de Kleinwalde à Lohm, Trudy conduisant casse-cou, sans égard aux fondrières et aux tournants. Letty et Miss Lidge, en train de faire leur promenade constitutionnelle, eurent tout juste le temps de se ranger au bord du chemin. « Qui est-ce ? » demanda Trudy, voyant échanger des signes de tête. « Ma nièce et son institutrice. »« Ah oui, je sais. » « Votre belle-sœur n'a pas trouvé Kleinwalde à son gré, me dit-on. C'est exact. Bien des gens seraient avec elle, contre vous, » dit la comtesse. Le long buste et les courtes jambes de Delvig se dessinèrent sur la route. « Et celui-là, vous plaît-il ? » ?»« Je le connais bien peu pour le juger. Il semble très poli, » dit Anna, hésitante. Delvig, chapeau bas, était en train d'exécuter sur leur passage une de ses plus mirobolantes salutations. Trudy fit claquer son fouet avec un rire malicieux. « Mon oncle avait de l'estime pour lui, » dit Anna, protestant contre ce rire. « Il avait su sans doute lui montrer un visage estimable. Delvig et Tom en avoir plusieurs. » C'était un peu ce qu'avait pensé la saga Suzy. Anna soupira sans répondre. À son tour, la silhouette d'Axel à cheval se profila sous la route sablonneuse. Son visage s'éclaira de satisfaction lorsqu'il vit les deux dames ensemble. Quant à Trudy, elle ne craignit pas de le cligner de l'œil en passant près de lui.